Il y a l'enfant, on lui pardonne, qui dit ce que répètent ses parents. Il s'en remettra s'il se donne l'occasion de les fuir à temps. Il y a celui qui parle de tout ce qu'il n'a jamais vu. Celui-là, on le voit partout, sur le net ou bien dans la rue. Un autre qui s'en prend à son chien ou à sa femme, faut être un homme. Jaloux de tout ce qui va bien, miteux dans un alcool de pomme. Et attardé à grande échelle, celui qui raterait le ciel. En entrant dans l'éternité. C'est fou ce qu'on entend tous les jours, drame de l'amour ou du volant. Et l'enquête aboutit toujours à la même cause, évidemment. J'en connais aussi qui cumulent les bêtes et méchants à la fois. Ceux-là sont têtus comme des mules, dans leur royaume ce sont les rois. Et l'attardé à grande échelle, celui qui raterait le ciel, en entrant dans l'éternité. Il y a ceux qui font de la peine, parce que c'est comme ça qu'ils sont nés. Du jus de navet dans les veines, pas de cerveau à irriguer. Et puis tous ceux qui ont la haine de ceux qui les ont dépassés. Et la seule insulte qu'ils retiennent, c'est celle qui les fait fantasmer. Et l'attardé à grande échelle, celui qui raterait le ciel, en entrant dans l'éternité.